C'est là, loin de tout, sur les côtes déchirées du nord-ouest de l'Écosse, sur cette terre battue par les vents, que l'équipe a pu les observer. Pendant des jours, un par un, par tous les temps, nos scientifiques ont tenté de comprendre et de percer enfin les mystères du sommeil, observant, comptant, recomptant, notant chaque habitude et parvenant même avec le temps. Matelas Bultex, scientifiquement testé et approuvé.